JLB a rendez-vous avec une pute chatchée sur internet. Le village planétaire, son tarif est excentrique. Mais monsieur a quelques briques sur son compte, donc il peut se la raconter avec ce visage qui a l'air d'être refait. Passons, ce garçon est une caïra avec ses darons, aucun respect. C'est une espèce néfaste, il a ce style paumé pour essayer de gommer son côté friqué. Mais son attitude n'est tout simplement pas naturelle. Putain, c'est la merde. Pourquoi tu dis ça? Chez moi, c'est la misère. Ah ouais, t'as trop raison. Ici, c'est la galère. Reprends du champagne, man. De toute façon, ce week-end, on se barre sur la côte. Yo, plus de vacances écolo. Saint-Paul en vélo, hollandais, tu connais les magasins bio. L'huile d'olive aux herbes de Toscane. Une nouvelle pile de livres importée de Boston. Sur mesure les costumes dans des restos chic en guest star. Fest avec la fille de Bill Clinton. Un solarium déverse des pluies de paillettes d'or, virant de l'orange au mauve selon l'emplacement de notre planète par rapport à ses astres. Moulure au plafond dans les chambres, exposée plein sud, très vaste. La grande classe Nestor écarte tout facteur déstabilisant, rate pour son épanouissement personnel. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, la chronique quotidienne de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Comment la vie peut-elle perdre son sens? Le sens de la vie semble être d'abord une question métaphysique. Au fond, il y a un phénomène qui s'appelle la vie en général, ou bien notre vie, notre existence. Et comme tout phénomène, nous cherchons à lui donner un sens en le reliant à quelque chose d'autre, à quelque chose qui le justifie aussi, à un principe global, au fond, qui puisse nous expliquer l'existence de ce fait singulier en lui donnant un sens universel et un fondement quelque part en lui ou au-delà de lui. Et pourtant, il y a quelque chose de très troublant dans la question du sens de la vie, c'est que quel que soit le fondement qu'on lui donne, au fond, que certains le situent dans la transcendance, certains autres dans la vie elle-même, comme principe de plaisir ou de peine, comme principe ultime, c'est ce que font ce qu'on appelle les vitalismes, quel que soit finalement le principe qu'on donne abstraitement au sens de la vie, il y a un phénomène très curieux, c'est que ce sens de la vie paraît varier pour nous, dans notre action, à tel point qu'il oriente notre vie. Comment peut-il varier? Comment le sens de la vie peut-il disparaître ou au contraire revenir? Et cela à la fois pour la vie individuelle et pour la vie collective. Nous souffrons, parfois nous disons que la vie n'a plus aucun sens pour nous, nous sommes au désespoir. Inversement, une rencontre peut nous faire penser, ou un bonheur, que la vie a retrouvé tout son sens, qu'on a redonné son sens à la vie. Et cela vaut aussi collectivement dans la vie humaine, politique, sociale, historique. Ce que cela doit nous montrer, c'est que la question du sens de la vie n'est pas, n'a jamais seulement été une question théorique, une question métaphysique, une question pour laquelle il faudrait relier un phénomène qu'on appelle la vie à un autre phénomène qu'on appellerait autrement et qui lui donnerait tout son sens dans un principe global et explicatif. En réalité, la question du sens de la vie fait elle-même partie de la vie. C'est une question qui traverse la vie et qui peut-être ne se relie pas tant à un principe abstrait qu'à ce qui doit orienter notre action individuelle et notre action collective, à savoir l'éthique et la politique. L'éthique est justement la discipline qui cherche à répondre à nos expériences négatives qui nous font nécessairement douter du sens de la vie, parce que la vie n'est pas un état éternel, n'est pas un phénomène abstrait, mais elle varie entre des extrêmes, et l'indicateur du bonheur ou du malheur, c'est toujours aussi la question du sens. Les êtres humains ne sont jamais seulement souffrants ou joyeux sans se poser, ou au contraire sans faire disparaître la question du sens de la vie, parce que dans la joie, le sens de la vie paraît tout à coup évident. Il y a donc une dimension éthique qui d'ailleurs tient aussi au fait que le sens de la vie est toujours relationnel, qu'il nous vient toujours des autres ou de nous-mêmes comme un autre, parfois dans notre propre malheur ou notre propre bonheur. Aussi, la question du sens de la vie est-elle toujours une construction humaine, individuelle, collective, sans cesser pour autant d'être vitale, puisque la question même du sens de la vie, le sens que nous donnons à notre vie, fait partie de cette vie, n'est pas quelque chose d'extérieur, mais quelque chose qui l'oriente, qui la rend possible, et parfois impossible, et parfois de nouveau possible. Merci beaucoup Frédéric Worms, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture, ou bien à télécharger, à podcaster à la page « Le pourquoi du comment ». Thank you.